Zygomar par Léon Sazy. Tome 1er. Livre 1er. Le maître invisible. Chapitre 1er. La signature rouge. Dans Paris retentit ce matin un cri d'indignation générale, de terreur, de colère. Dans toutes les mains, sur les boulevards, dans les rues, en tramway, en omnibus, on voyait des journaux fébrilement parcourus ornés de manchettes à sensation. Les camelots couraient, hurlant de leur voix éraillée. « Demandez tous les détails, le drame de la rue Lepelletier, le crime mystérieux, assassinat du banquier Montreuil !» Hier soir, le garçon de bureau Michel avait trouvé son maître à terre baignant dans une mare de sang, la poitrine trouée d'un coup de poignard. Épouvanté, Michel donna l'alarme. On courut prévenir le commissaire de police qui ne tarda pas à arriver avec un médecin. Par téléphone, on prévint le parquet et la préfecture de police. M. Montreuil gisait à terre, ayant perdu beaucoup de sang par une blessure effroyable. Toutefois, le médecin constata que la victime respirait, que son cœur battait encore. Un des employés de la banque fut envoyé aussitôt rue Chalgrin, où le banquier habitait avec sa famille un ravissant hôtel. On voulait prévenir les deux fils du banquier, Raoul l'avocat, Robert le médecin, qui, eux, avec tous les ménagements possibles, apprendraient à leur mère, à leur sœur Raymonde, le grand malheur. La famille Montreuil, très unie, vivait dans la plus affectueuse intimité. Les enfants adoraient leur mère, leur père, et manifestaient pour eux une vénération sans bornes. Les deux frères ne se quittaient jamais et semblaient n'avoir qu'une pensée, qu'une volonté. La tête en feu, le cœur angoissé, l'âme en émoi, le docteur Robert se précipita dans le bureau de son père. Il se jeta sur le banquier, le couvrant d'affectueux baisers. Oh, quel malheur! Quel épouvantable crime! Notre père, si bon, si tendre, l'assassiné, lui, le meilleur des hommes! Les magistrats, M. Urbain, juge d'instruction, M. Baumier, chef de la sûreté, arrivé peu avant le docteur, laissèrent un moment s'épancher sa douleur. Puis, le juge d'instruction vint à lui et lui dit « Monsieur, soyez fort. Faites appel à toute votre énergie, à tout votre courage. Les premières heures sont précieuses pour la justice. Veuillez nous permettre de poursuivre notre tâche. » Près de M. Baumier se tenait Paulin Broquet, le plus habile, le plus fin des inspecteurs de la sûreté, le plus célèbre des détectives français. Il laissa d'abord les magistrats poursuivre leur enquête, l'établir officiellement. Son heure d'intervenir ne sonnait pas encore. Il ne se départit seulement de son flegme, de son indifférence, qu'au moment où le docteur et Robert Montreuil, arrachant les vêtements du banquier, découvrirent la blessure pour y appliquer un pansement sommaire. Broquet s'approcha des médecins et demanda à voir la blessure, à l'examiner. La blessure se trouvait au côté droit du corps, un peu au-dessous de la clavicule. « Oh !» dit Paulin Broquet. « C'est un beau coup de poignard !» il ajouta. « Quant à l'assassin, il est gaucher. »« Gaucher » s'écria-t-on. « Comment pouvez-vous voir cela ?» Le coup se trouvant marqué à droite de la victime a été porté par la main gauche du meurtrier. « Ce n'est pas une preuve certaine, » dit le juge d'instruction. Le meurtrier pouvait frapper avec la main droite, à droite, en se tenant à droite de la victime ou derrière. Le détective s'inclina et répondit « C'est vrai, mais cela ne s'est pas passé ainsi. En voici la preuve. » Il désigna le cou du banquier. L'assassin tenait M. Montreuil au cou avec sa main droite. Voyez, à gauche du cou, la marque de quatre ongles. Celle du pouce est à droite de la glotte. Donc, c'est avec la main gauche que le coup a été porté. À ce moment, l'employé du service anthropométrique prenait la photographie du bureau du banquier, du théâtre du crime. « Ne pourriez-vous pas, lui demanda Broquet, prendre de façon très visible les traces sanglantes qu'on devine sur le coffre-fort ? » Le photographe lui répondit que la porte du coffre-fort étant de couleur marron et les traces sanglantes très sombres, rien ne viendrait sur la plaque. Paul Broquet n'insista pas, mais il demanda une grande feuille de papier de copie de lettres qu'il mouilla et prépara minutieusement. Avec des précautions infinies, il l'appliqua sur la porte du coffre-fort. Des deux mains, il pressa fortement les tampons de carton buvard dont il la chargea pour que l'empreinte qu'il désirait prendre fût parfaite. Au bout de 2-3 minutes, il retira un à un les cartons buvards sur la porte du coffre-fort. Au milieu de la double feuille de papier blanc, apparut alors, aux yeux étonnés de Robert et des magistrats, un large trait de sang formant un Z épouvantable. La signature de l'assassin, dit gravement Paulin Broquet. Gardez-la bien, monsieur le juge, précieusement. Gardez ce Z, que vous reverrez certainement plusieurs fois encore. Gardez ce Z. C'est un signe voulu. Une signature tracée là, exprès pour nous. Plus bas, pour que Robert n'entendît pas, il ajouta d'un air entendu, mystérieux. Exprès pour nous, ce Z. Pour nous, la justice. Pour les autres, les complices. Peut-être aussi pour la victime.